Alors Marc, je répète, je suis enthousiaste avec cette série qui commence. J'espère que vous avez eu cette semaine l'occasion de lire au moins une fois le livre L'Évangile de Marc, et peut-être même plusieurs fois le premier chapitre de Marc. Alors, Marc, on y va. Gardez vos bibles ouvertes, on va rester auprès du premier chapitre principalement, avec quelques écarts à droite et à gauche, mais principalement le premier chapitre. Alors, l'évangile de Marc, ça fait plus de 30 ans que Jésus est mort, est ressuscité, remonté au ciel. L'histoire de Jésus, pendant ces 30 ans, a bien sûr été communiquée, oralement. On a partagé les uns aux autres l'histoire de Jésus, mais il n'y avait pas d'écrit. L'une des toutes premières lettres, vous le savez maintenant, c'est 1 Thessaloniciens, qui est écrit par Paul. Il n'y avait pas d'écrit encore par rapport au Nouveau Testament. Alors, en 65 après Jésus-Christ, ce jeune homme, Marc, va brusquement coucher par écrit ce texte. Ce sera le premier évangile. Première fois qu'on a rassemblé les morceaux de la vie de ce Jésus-Christ. Il va aussi donner jour à un nouveau genre littéraire. Il n'y avait pas d'évangile avant ça. C'est le premier évangile, l'évangile de Marc. Après cela, il y en aura plusieurs qui vont le suivre, et en particulier Luc et Matthieu, qui vont piocher énormément dans Marc pour créer leur évangile, mais bien sûr en donnant à chaque fois leur orientation personnelle. Voilà, c'est pour donner un petit peu le contexte de Marc. Alors, traditionnellement, des gens comme Papias ou Eusèbe ont fait référence à Marc dans leurs écrits. Là, on remonte à environ 140 après Jésus-Christ. Et ils parlent de Marc comme étant celui qui était accompagné par Pierre et qui a écrit, donc, effectivement, ce texte. Alors, Marc, est-ce que vous savez qui était Marc? D'où vient Marc? Est-ce que Marc était un des disciples de Jésus? Non, ça revient à non. Donc, ce n'est pas un disciple de Jésus. Est-ce que Marc apparaît dans les évangiles? Est-ce que le nom de Marc apparaît dans les évangiles? Non. Donc, est-ce que Marc a vu Jésus? Probablement pas. Probablement pas. Peut-être, mais probablement pas. À vérifier, hein. Mais, alors, comment c'est possible que quelqu'un qui n'aurait même peut-être pas vu Jésus, c'est possible qu'il l'ait vu, hein, mais c'est pas sûr. Il était très jeune quand Pierre était en prison. Comment c'est possible qu'un gars comme ça puisse écrire un texte qui fait autorité en disant voilà le récit de la vie de Jésus? Que sait-on de Marc? Alors je vais faire un petit peu le tour pour vous donner un petit peu un aperçu de qui est Marc. Ah ouais, c'est ce gars-là. Alors, le premier texte qu'on voit apparaître dans le Nouveau Testament, le nom de Marc, c'est Actes 12:12, qui dit, je lis, après avoir réfléchi, et là on parle de Pierre dans ce récit, après avoir réfléchi, il, donc Pierre, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. Voilà un bon homme. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, si tu la scène. Vous savez qu'il y a eu des persécutions, Jésus est mort, ressuscité, première église, Saint-Esprit est arrivé, tout le monde a parlé de Jésus partout, et la répression est venue très forte, et Pierre se retrouve en prison, enchaîné des deux côtés, avec des gardes dans la prison. Dans la nuit, quelque chose de spécial, miraculeux se passe, un ange vient, le libère, il sort de la prison, il se voit un peu paumé, dans la rue, il croit qu'il rêve, il ne comprend pas, peut-être qu'il réfléchit, qu'est-ce que je vais faire? Et il va dans la maison de Marie. Dans la maison de Marie, c'est pas la mère de Jésus, Marie, là, c'est la maman de Marc. Dans la maison de Marie, il y avait des disciples qui étaient réunis pour faire quoi? Pour prier pour Pierre. Seigneur, Pierre est en prison! Qu'est-ce qu'on va faire? Fais quelque chose. Et vous rappelez l'histoire, pour faire court, Pierre va arriver à la porte, il va frapper, et puis là, il y aura quelqu'un qui dit, c'est qui? C'est Rhode. Rhode, c'est la servante de Marie. Qui vient et dit, c'est qui? C'est Pierre, ouvrez mon œil, c'est qui? Et elle ne comprend pas, elle ne croit pas. Alors qu'à l'intérieur, le disciple prie, Seigneur, délivre Pierre. Alors c'est très cocasse comme situation. Et dans la maison, probablement, il y avait Marc. Marc, c'est le fiston de Marie. Alors, c'est la maison, sa maison familiale. Ici, voilà, Marc apparaît là. Alors, on peut facilement imaginer que Marc était dans la maison, je ne sais pas, peut-être assez jeune, quand Pierre est entré. Dans cette effervescence, Pierre dit des anges m'ont libéré. Puis Marc le regarde, là, enfin, c'est qui ce bonhomme-là? C'est-à-dire les premiers contacts de Marc avec Pierre, je ne sais pas. Marc était aussi le neveu de Barnabas. Alors, vous connaissez Barnabas? Regardez Barnabas, hein? Barnabas, c'est celui qui est parti récupérer ou repêcher Paul. C'est le fils de l'encouragement. C'est celui qui a voyagé avec Paul sur le premier voyage missionnaire. Paul et Barnabas. D'accord? Mes premiers voyages missionnaires, c'est Paul, Barnabas et qui? Et Marc. Et Marc. Marc, il va avec Paul et Barnabas sur le premier voyage missionnaire. Ils s'en vont, ils vont arriver sur l'île de Chypre, à Salamine en particulier. Ils vont évangéliser là. Donc imaginez, par Marc, le petit Marc, à mon avis assez jeune, et là, et puis, il écoutait un gars comme Paul prêcher l'évangile de Jésus. Et puis Barnabas à côté, ça de même. Et puis de Chypre, ils sont partis après en Turquie. Ils sont partis à Perge. Et là, les textes parlent d'un événement un peu surprenant. On ne sait pas vraiment l'expliquer. C'est dans Actes 13:13, où il est dit que pour une raison dont on ignore, Marc décide de faire demi-tour et de rentrer chez maman à Jérusalem. C'est marqué, il rentre à Jérusalem. Chez maman, c'est pas dans le texte, hein, mais on devine que bon, la maison de maman est à Jérusalem. Il rentre à la maison. Alors, Marc, on le retrouve un peu plus loin, en 51 après Jésus-Christ. Lorsque Paul veut repartir pour son deuxième voyage missionnaire, il refuse, alors catégoriquement, de reprendre Marc avec lui. C'est Barnabas qui dit, allons, on prend Marc, on va ensemble, on va retrouver les églises qu'on a plantées. Non, pas question, Barnabas. Vous allez tomber là-bas, pas question. Et la Bible dit qu'il y a eu un vif désagrément entre Paul et Barnabas, au point où ils sont séparés. Et Paul a pris qui? Silas. Il est parti sur son voyage, donc deuxième voyage missionnaire, Paul et Silas. Et Barnabas, ce qu'il a fait? Il a pris Marc, son neveu, et il est parti en voyage aussi, évangélisé. Il est parti à Chypre. En particulier, je pense que Barnabas était originaire de Chypre. Alors, ça, c'est un peu de l'histoire. Alors, pour rassurer ceux qui ne connaissent pas bien leur Bible, ce désagrément, ce fort désagrément a été, on le sait, évidemment résolu. Paul et Marc se sont réconciliés. Il y a des très jolis textes dans la Bible qui parlent de Paul. Je vous le dis, Colossiens 4:10. Aristarque, donc Paul écrit, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, alors Paul parle de Marc, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, ou le neveu de Barnabas, on n'est pas tout à fait sûr, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Donc un autre texte, dans 2 Timothée 4:11, Paul est en prison, c'est à la fin de sa vie, et Paul dit dans sa lettre, Luc seul est avec moi. Prends Marc. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. C'est touchant, c'est beau ça. Fin de sa vie, le vieux Paul va dire, hey, ramène-moi Marc, j'ai besoin de lui. Donc, voilà le Marc dont on parle ici. Alors, imaginez quelle vie pour ce jeune Marc. Il a marché à côté, il a écouté les sermons de Paul, de Barnabas, et puis les sermons de Pierre, parce que plus tard dans sa vie, il a marché à côté de Pierre. Beaucoup de textes, les textes qui parlent du premier temps de l'Église, nous disent que Marc est devenu probablement disciple de Pierre. Il a accompagné Pierre, il est devenu traducteur pour Pierre jusqu'à Rome. Un texte, en fait, de l'apôtre Pierre dit « mon fils ». Il parle de Marc comme étant « mon fils ». Donc on pense que c'est Pierre qui a amené Marc à la foi. Alors Pierre, je vous rappelle que Pierre dit dans sa première lettre, c'est un verset, Christ, dit Pierre, a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2:21. Marc va présenter à ses lecteurs ce Jésus dont Pierre parle. Pierre a passé beaucoup de temps avec Marc, il lui a raconté tout en détail, vous allez voir des détails, il en connaît Marc, tout en détail sur la vie de son Seigneur. Et après, il y a Marc, vas-y, mets-le par écrit. peut-être la première. Marc commence son évangile, vous vous rappelez, avec cette phrase surprenante. Commencement, enfin, comment il commence ? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il n'y va pas par quatre chemins. Il est très clairement indiqué quel sera le sujet principal de ces 16 chapitres. Jésus-Christ. C'est très clair. Alors, ce que tout à l'heure j'ai dit à l'introduction, c'est que Marc a un style vraiment très particulier. Sa lettre ou son écrit est mis sous le feu de l'action immédiatement. Marc est quelqu'un d'action. Ça bouge très fort. Marc commence, on le dit, commencement de l'évangile de Christ, Fils de Dieu. Pas par Ésaïe, Jean-Baptiste. Il dit, oh, Marc, attends. Est-ce que Jésus n'est pas né quelque part? Il n'y a pas eu des mages qui sont venus? Il n'y a pas eu des bergers? Il n'y a pas eu des chants dans le ciel? Marc n'en parle pas du tout. Il rentre dans le feu de l'action. Laissez-moi vous parler de Jésus. C'est le cœur de son message. C'est pour ça que j'ai ça ici. En fait, si vous lisez Marc d'un seul trait, une seule traite, plusieurs fois, vous vous rendez compte que Marc ressemble beaucoup à un documentaire. C'est vraiment ça. On a l'impression que Marc a voulu créer un documentaire de 60 minutes qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, la vie et le ministère de Jésus. Ou Jésus, la vie, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Hein. Et alors, pour faire un bon documentaire de 60 minutes, il y a deux ingrédients principaux. Un, il faut parler de ce qui est habituel dans la vie de la personne qu'on veut présenter, ce qui est répété. Donc on parle de l'habituel. Deux, on parle de ce qui est exceptionnel. Les grands moments, les tournants dans la vie de cette personne. C'est ça qui fait un bon reportage. Bien sûr, ensuite, au niveau du temps qu'on alloue à chacun de ces différents domaines, on donne plus de temps, ce qui est important, et moins au reste. Je vous donne un secret, vous l'avez lu. Marc va passer chapitre 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sur la dernière semaine de la vie de Jésus. Sur 16 chapitres impressionnants. Voilà le cœur de son message, la mort de Jésus. D'accord ? Alors, donc Marc fait exactement ça, il fait un reportage, on pourrait dire écrit, mais aujourd'hui on aurait fait un reportage audiovisuel. Jésus est le caractère central de l'histoire, évidemment. On va voir Jésus en parole et en action, ça vous le verrez tout de suite dès le premier chapitre. Le thème, les différents thèmes qui seront développés dans son reportage, c'est le conflit, l'opposition. Très vite, vous avez du conflit, l'opposition, les gens qui vont venir. Les miracles de Jésus sont présents. Les disciples de Jésus sont présentés, vous allez voir, ils ont du mal à croire. C'est répété à plusieurs reprises. On voit les voyages de Jésus, c'est pour ça que les détails sont importants. Et Jésus arrive là, il sort de là, il vient là, il va là, petit à Galilée. On suit Jésus à la trace, hein, comme un vrai reportage. On voit aussi les réponses des gens au message de Jésus. Là, qu'est-ce que tu racontes? Oh là-bas, c'est vrai! Il y a vraiment les réponses, il interviewe, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Et puis c'est vraiment ça. Hein. Et puis ensuite, tout arrive, tout mène à un endroit, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et là, c'est le début de la fin. D'accord, chapitre 30. Dès le début de l'évangile, il y a une crise qui se prépare. Et c'est pas le temps, on la sent. Cette crise aboutira à sa mort. Donc, vous le savez, vous sentez dans ma voix, dans mes gestes, c'est un récit avec une idée de mouvement rapide, très rapide, beaucoup de verbes d'action dans le grec. Tout à l'heure, je disais à mes enfants, donc 40 fois, aussitôt, immédiatement, tout de suite, sur le champ. Et puis, on a l'impression, on s'essouffle avec lui dans le premier chapitre, on a du mal à suivre. Alors, tout va très vite. Alors, par contre, si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur la naissance de Jésus, par exemple, et ça, tout ça, il rentre directement en vue du sujet, c'est intéressant de voir que Marc a bien écouté Pierre. Pierre était évidemment quelqu'un qui avait suivi attentivement la vie de son maître, et les détails s'étaient accrochés. Et Pierre a communiqué ces détails à Marc. Et on retrouve dans Marc toute une série de détails qu'on ne retrouve même pas, je ne sais pas pourquoi, dans Luc et dans Matthieu. C'est des petits trucs ici et là. Dans chaque chapitre, il y en a au moins un. Un exemple, quelques exemples. Mais je ne donnerai pas tout, je n'ai pas le temps. Marc nous dit par exemple qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient, verset 20, qui travaillaient avec Zébédée et les deux disciples que j'appelle. On ne savait pas. Par exemple, il y a un détail, le paradigme chapitre 2 est en fait 4 hommes. Ah bon, d'accord, merci pour le détail. Détail ouais. Un détail intéressant, j'ai souligné ça comme moi j'ai vu mon texte. À plusieurs reprises, dans Marc, chapitre 3 et 6, il dit que Jésus était tellement entouré de la foule qu'il n'avait pas le temps de manger. On n'en parle pas ailleurs, il y a des détails, il n'avait pas le temps de manger avec ses disciples. Un détail, quand Jésus était dans la barque sur le lac de Galilée, il dormait à la poupe sur un oreiller. Hein, c'est marqué le détail là, c'est rigolo. Pierre a dû lui dire, ah oui, j'ai vu le maître dormir à la poupe, bateau sur un oreiller. Bon, c'est noté. Bon, je m'arrête là, mais il y a comme ça des quantités de petits détails insignifiants, mais que Marc a voulu mettre dans son récit. Alors, est-ce que, on dirait d'un point de vue journalistique, c'est les petits détails qui apportent un peu de zeste et de piment à son récit très très rapide, je ne sais pas. Alors, comme tout à l'heure, j'ai dit aussi, Marc distingue par ses précisions chronologiques. J'en ai soulevé 4 ou 5 dans le premier chapitre. Oui, il sortait, il rentrait. Des petits détails. On dirait, bah, on n'a pas vraiment besoin pour savoir ce que Jésus a fait. Mais c'est là, la chronologie, on peut suivre la chronologie. C'est intéressant. Alors, une dernière remarque d'introduction, après je rentre dans le premier chapitre. Marc semblerait avoir écrit un public non juif. Pourquoi on dit ça? Trois choses. D'abord, c'est intéressant de voir que chaque fois qu'il parle d'habitude ou de coutume juive, typiquement juive, qui serait immédiatement comprise par un public juif, ben lui, il les explique. Alors, je vous donne juste un exemple, mais il y a vraiment une flopée comme ça. Dans Marc 7, les pharisiens, donc versets 1, 2 et 3, donc Marc 7, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Et là, Marc ajoute son explication de texte. Il dit, verset 3, oh, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. C'est juste ça, évidemment, mais là il le dit parce que le public, probablement, ne le sait pas. Donc on devine que, et il continue verset 4, et quand ils reviennent de la salle publique, ils ne mangent qu'à être purifiés, ils ont encore beaucoup d'autres. Donc c'est typiquement Marc, ça. Qui précise les choses pour que le lecteur n'ait pas paumé, il ne comprend pas pourquoi il y a un problème ici. Deuxièmement, Marc fait peu de citations de l'Ancien Testament. Un évangéliste comme Matthieu, qui écrit pour un public de croyants d'origine juive, va citer l'Ancien Testament 40 fois. Marc n'en fait que 12 fois. Donc, relativement parlant, c'est bien moindre. Il ne veut pas que les lecteurs soient trop paumés par ces allusions permanentes à l'Ancien Testament. Et troisièmement, c'est intéressant de voir aussi que Marc traduit. Donc, chaque fois que Marc utilise des termes, des mots qui sont en araméen, donc les gens entendent parler l'araméen, un public non juif ne comprendrait pas, et on pense qu'il a écrit en fait pour les gens de Rome, pour les chrétiens de Rome, pour des Romains. Alors, il traduit. Je vous donne pas tous les termes, mais par exemple, il utilise le terme Boanerges dans le texte. Et il dit, Boanerges, ça veut dire fils du tonnerre. Ah, d'accord, j'ai compris. Il parle de Belzébul, et dit, ça veut dire chef des démons. Ah, oui, d'accord, je comprends. Donc, à chaque fois, c'est comme ça. Il dit, Jésus dit à la petite fille, Talitha Koumi, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire, jeune fille, je te dis, laisse-toi. Ah, je comprends. Il fait tout ça à travers, enfin, il fait toujours ça à travers, donc, tout l'évangile de Marc. Voilà. Je m'arrête là, je passe très vite. C'était une introduction pour vous donner un petit peu situer l'évangile, et ça va aider ensuite, dans les semaines qui viennent, vous allez voir, ça va se tenir ensemble. Marc, on arrive au chapitre aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est souligné qu'à 6 reprises, le verbe prêcher est utilisé. Alors, c'est intéressant parce que ce verbe est utilisé 60 fois dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles, donc dans les 4 évangiles, 30 fois, et 15 fois dans Marc. C'est pas mal. Marc annonce, prêche la bonne nouvelle. Et dans ce premier chapitre, sur les 15 occurrences de ce mot, il y en a 6. Le premier chapitre commence par la prédication, par l'annonce. Celui qui vient prêcher, c'est le héros. H-E-R-A-U-T. Le héros de Dieu. Celui qui apporte la bonne nouvelle de son chef. Et alors, on le voit, tout à l'heure, vous avez vu avec moi, Jean-Baptiste prêche la repentance. Jésus, verset 14, prêche l'évangile de Dieu, verset 38 à 39 aussi. Et puis, je vous l'avais souligné en passant tout à l'heure, verset 45, l'homme qui était guéri. Il est parti prêcher aussi ce que Dieu a fait dessus. C'est magnifique, hein. Donc, Jean-Baptiste, il prêche la repentance. Il dit, vous avez un problème, les amis. Vous êtes en pétard avec votre Dieu, votre Créateur. Repentez-vous. Et Jésus qui arrive, il dit, moi je prêche la bonne nouvelle. Dieu vient. Et puis quelqu'un a été sauvé, guéri, purifié. Et il va et dit, ah, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a purifié. Ça, c'est la prédication aussi. Alors, c'est juste pour vous rappeler ces trois, ces six occurrences. Alors, moi aussi, mais pas seulement moi, d'autres qui sont dans cette église, nous prêchons, on monte là et puis on prêche l'évangile, dimanche après dimanche. Mais qu'est-ce qu'on prêche? Qu'est-ce qui est au centre de notre kérigma, la prédication, l'annonce? Jean, la repentance. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Jean disait aussi, celui qui vient après moi est plus grand et plus fort que moi. Jésus vient, il dit, voilà, moi je vous annonce la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? Et j'aimerais prendre 15-20 minutes pour finir aujourd'hui pour vous parler de l'évangile selon Marc. Évidemment, Marc commence en nous disant une chose très claire, je vais vous parler de l'évangile de Jésus. C'est quoi l'évangile? Si on essaie de vous, je ne sais pas, je n'ai pas le temps maintenant, mais donnez-moi une définition de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Est-ce que c'est quelque chose du style, voilà, vous avez gagné deux tickets pour le paradis? C'est l'évangile, hein? C'est pas l'évangile. C'est quoi l'évangile? Qu'est-ce qui est au cœur de l'évangile? Malheureusement, ce que nous prêchons aujourd'hui n'est souvent pas un vrai évangile. Nous mettons l'homme au centre de notre prédication. L'homme a le choix de dire oui ou non à Dieu devant cette offre qu'il lui fait. C'est pas l'évangile. Au cœur de l'évangile, il y a une seule chose. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Au cœur de l'évangile, il y a Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et là, il y a trois parties dans ce que je vais vous dire. Le cœur de l'évangile, c'est Dieu. Un. Le cœur de l'évangile, c'est la gloire. 2. Le cœur de l'évangile, c'est la croix de Jésus. 3. Le cœur de l'évangile, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'évangile. Si vous prêchez, si je prêche ça, alors vous pouvez me dire, ça prêche l'évangile. Si je prêche pas ça, c'est pas prêché l'évangile. Alors on va trouver ça plus ici. L'évangile de Jésus. 1. Le cœur de l'évangile, c'est la gloire de Dieu. C'est son règne. C'est sa puissance qui est mise en avant. Ça, c'est l'évangile. Regardez, verset 14, dites avec moi. Après que Jean eut été livré, donc il a été livré pour être tué, emprisonné, Jésus alla dans la Galilée, prêchant, annonçant, publiant la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu. Il disait deux points. Voilà. Voilà l'évangile. Hein. Voilà l'évangile. Il disait quoi? Le temps est venu, le royaume ou le règne de Dieu est proche. Ça, c'est l'annonce de l'évangile. Le règne de Dieu est tout proche. Alors c'est vrai que Marc, on le verra dans le chapitre qui vient, Marc nous présente un Jésus très humain. On dit souvent que Marc a comme thème Jésus le serviteur. Un Jésus très humain, très homme, très proche des hommes. Ça me fait penser à ce texte de Philippiens 2,7, que vous connaissez beaucoup presque par cœur. Philippiens 2,7, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. D'accord? Donc ça, c'est Jésus, le serviteur. Et alors, quand on lit Marc 1,9, on pense à ça, hein. Marc 1,9, et en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. C'est comme moi, première question, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Baptisé par Jean dans le Jourdain. Jean baptisé pour la repentance. J'ai dû, par exemple, se repentir, il n'y a pas de péché. C'est quoi cette affaire? Hein? Philippiens 2:7. En tout et tout en lui montré qu'il était bien un homme. Il a pris la condition du serviteur et il s'est rendu semblable aux hommes. D'accord. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Mais, aussitôt, pour reprendre un terme marquien, aussitôt, ça n'a pas duré ça. Je baptise, on dit, ah, oh, un homme. Mais aussitôt, verset suivant, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe et une voix. Là, on n'est plus dans le domaine de l'homme. Là, on est dans le domaine du divin. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Vous pouvez imaginer la scène. Jésus donc, devient comme un homme, se fait baptiser malgré les réticences de Jean-Baptiste dans le Jourdain, et brusquement le ciel s'ouvre et une voix parle. Cette voix dit quoi? Mon fils, bien-aimé. C'est bon, la punaise. Tu dis, tu relis ça, c'est incroyable. Mon fils, bien-aimé. Le terme, vous pouvez deviner, c'est agapé. Filios agapetos. Bien-aimé, c'est l'amour divin. Agapé que j'aime. Et puis, il dit plus que ça. En toi, j'ai mis toute mon affection. Le terme, c'est tout mon plaisir en toi. Tu m'es agréable. Je t'approuve. La voix du ciel. Je ne vais pas co-circuiter ce que d'autres vont dire peut-être dans les dimanches qui vont suivre, mais j'aimerais quand même prendre rapidement un petit texte surprenant dans Marc. Vous l'avez lu, pour vous qui avez lu Marc. Regardez chapitre 12. Jésus raconte une parabole ici. Un homme planta une vigne, donc Marc 12, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il l'inferma des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent. Puis plusieurs autres qu'ils bâtirent ou tuèrent. Et là, on se retrouve ici. Hein. Il envoya. Et il avait encore, le texte dit, les mêmes mots, Cuyon. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, au moins pour lui, ils auront du respect. Marc commence son évangile avec « Voici mon fils bien-aimé ». Très vite, on va voir qu'il reprend cela à travers les chapitres. Pourquoi est-ce que ce vigneron envoie son fils? Sa vie pour rétablir son autorité, pour rétablir son règne. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus fait? Et Marc l'a très bien construit. Quand Marc commence son évangile, il dit Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Et c'est quoi l'évangile? Jésus dit le royaume, le règne de Dieu. Voici mon fils bien-aimé, je vous l'envoie pour rétablir mon règne sur la terre. Et on a presque l'impression que, si on était là, que les Jean-Baptiste ont entendu un peu un souffle d'ailleurs qui suit, au moins pour lui, ils auront du respect. Les prophètes, comme je disais, ont fait ça. Pendant toute leur vie, c'était le rôle des prophètes à travers les siècles qui ont précédé la vie de Jésus, les prophètes disaient « La gloire de Dieu a été bafouée. Retournez vers Dieu. Replacez votre confiance en lui et pas sur ces choses de la terre. » C'était le message des prophètes à travers 2000 ans. Dieu veut entrer en alliance avec vous. Ils étaient ces messagers de Dieu, porteurs de bonnes nouvelles. Et alors, Marc, dans ce premier chapitre, il cite l'un de ses prophètes, Ésaïe, dès verset 2. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Et alors, si vous prenez le texte d'Ésaïe, peut-être prenez-le dans vos Bibles, c'est Ésaïe 40, verset 3. Donc, lui, il a cité le verset 3, mais on va continuer au verset 4. Regardez, Ésaïe 44, le texte dit « Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. » Alors quoi ? Alors, la gloire, le règne, la puissance de Dieu sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est le souci constant des prophètes, le rétablissement de la gloire de Dieu sur la terre. Allez un peu plus loin, dans ce même chapitre d'Ésaïe. Ésaïe dit encore, au verset 9, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle !» C'est quoi la bonne nouvelle ? L'Évangile. « Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle !» Dis aux villes de Juda, quoi ? C'est quoi la bonne nouvelle ? Ton Dieu vient, il règne. Il dit, voici ton Dieu, il vient. Le retour de Dieu qui rétablit son règne et sa gloire. Et le texte suivant dit, ça c'est dit, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Ça c'est l'Évangile. C'est pas l'Évangile, alors qu'est-ce que tu penses de Jésus, toi ? Tu dis oui ou non ? C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile c'est Dieu règne et il vient et il réinstalle sa gloire. Et c'est ce que Jésus a annoncé dès le départ. Malheureusement, nous savons, nous l'avons vu là-bas, dans les temps anciens, nous le voyons aujourd'hui, les gens n'obéissent pas tous, ne réagissent pas tous bien à cette bonne nouvelle. Ésaïe toujours, regardez dans 52, Paul faisait référence à ce texte quand il disait que c'est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ésaïe dit, oh oui, mais qui a cru à notre message ? Et alors, à nouveau, Ésaïe parle de cette bonne nouvelle et il dit, verset 7, donc 52, 7, « Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux ! Qu'est-ce qu'il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui annonce, qui parle du bonheur, qui annonce le salut et qui dit quoi ? Ton Dieu règne. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de salut si Dieu règne dans nos vies. Ça, c'est l'Évangile. Alors les prophètes ont annoncé ça. Et Jésus vient, le Fils bien-aimé de Dieu, il vient à nouveau pour annoncer Dieu règne. Le règne de Dieu s'installe sur la terre et il invite tous les humains à se soumettre à ce règne de Dieu. Il dit, le propriétaire de la vigne vient pour rendre des comptes. Et alors, cette impression de rendre des comptes, cette impression d'autorité, de puissance, elle est partout dans Marc. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous l'avez lu. Je vous donne un exemple dans le premier chapitre. Je reste au premier chapitre. Hein. Un fort sentiment d'autorité de Jésus, présent dans le premier chapitre. Jésus, c'est le boss. C'est vraiment le boss. Hein. Quand tu lis Marc 1, t'as pas d'hésitation. Verset 16, et après 20. Il vient, il voit Simon, André, il leur dit quoi ? Suivez-moi ! Et aussitôt, plouf, je suis. 20. Il voit ensuite plus loin Jacques et Jean. Suivez-moi ! Pouf, aussitôt. Ça ne traîne pas. 22. Jésus vient dans la synagogue et il commence à enseigner, à parler. Qu'est-ce qui se passe? Verset 22, ils étaient frappés par son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité. Ensuite, verset 23, dans la synagogue, il y avait un homme qui était possédé. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus le menaça et dit tais-toi. Tais-toi et sors cet homme. Grande autorité. Verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, dit le texte. Tous furent saisis de stupéfaction. Et ils se demandaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il commande même avec autorité aux démons. L'autorité. La belle-mère de Jésus était malade, il vient un mot, pouf, terminé. Autorité. Il guérit beaucoup de gens, beaucoup de démons, mais le texte dit, il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'eux savaient qu'il était l'autorité de Jésus. Maintenant, pour ceux parmi nous qui ne connaissent pas bien ce Jésus, je voudrais faire une petite parenthèse. C'est vrai que Jésus est venu annoncer un grand Dieu. Il est venu nous annoncer que nous devons rendre des comptes à notre Créateur. Mais Jésus n'a jamais recherché la soumission ou l'adoration de force. Jamais. Il n'a jamais voulu contraindre qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Jésus est venu et il a présenté le Père. Il dit voilà. Ça c'est sûr. Que dit l'Évangile? L'Évangile dit, celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Ça, c'est ce que je lis dans Jean 1, 18. Personne, dit Jean, n'a vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. C'est le travail de Jésus, le Père. Ça, c'est Dieu. Il m'envoie vers vous pour rétablir son règne. Mais regardez, ça, c'est Dieu. Et alors, quelle est la réaction quand Jésus montre Dieu aux gens de sa génération? Et là aussi, quand j'ai lu, peut-être vous avez lu ça aussi, quand j'ai lu Marc, vous lisez un trait comme ça, je me suis arrêté sur des termes qui reviennent et qui reviennent. Je vous l'ai lu. Extrait de Marc. Réaction des gens quand ils voient ce que je leur présente de Dieu. Stupéfaction, impressionné, étonnement, très étonné, grande crainte, frappé de stupeur, fort perplexe, vive panique, vive impression. Déconcerté. C'est le texte que j'ai pris dans Marc. C'est fantastique de voir la réaction de la foule. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit, c'est exactement ce qu'il fait. Hein. Il va là-bas, puis il filme. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu de Jésus? Grande frayeur. Déconcerté. Pris de panique. Un exemple, dans Marc 6, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Notre traduction dit ils étaient pris de panique. Jésus leur dit rassurez-vous, c'est moi. Puis ils montent dans la barque. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Ça leur dit frappés de stupeur. Et alors, verset 52, Marc 6, 52 dit pourquoi? Pourquoi ils étaient comme ça? Frappés de stupeur. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Et parce que leur cœur était endurci. Le terme grec, c'est pétrifié ou aveuglé. Leur cœur était aveuglé. Ils ne voyaient pas. Ils ont dit, c'est Dieu. Allez, je viens de Dieu. Regardez, Dieu. Stupeur. Jésus leur montre la gloire, la puissance, le règne de Dieu qui revient, qui s'installe. Et eux, ils sont étonnés, frappés. Le cœur dur, aveuglé, qui ne voit pas Dieu, qui ne voit pas les réalités de Dieu. Un cœur qui ne veut pas rendre gloire à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans Marc, dans les 16 chapitres. C'est un Jésus qui montre le Père constamment en disant, voyez comment il est. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous abandonner à lui? Il vous offre une amnistie totale et complète. Allez-y. Retournez dans le Père. Pour revenir sur le problème des disciples devant la manifestation de Jésus, je pense à nous. Qu'est-ce qui me manque pour m'enthousiasmer devant la présentation de Dieu que Jésus nous fait dans son évangile? Parce que vous lisez l'évangile et vous dites, waouh, cool, Dieu est comme ça. Ou est-ce que votre cœur est dur encore et ne peut pas vous aussi assister? Vous êtes étonné, c'est surprenant. Ou est-ce que votre cœur se réchauffe et dit, ouh, c'est ce Dieu-là que je sers. Jésus ne veut pas d'adorateurs qui adorent par contrainte. Il a donné plusieurs paraboles, l'une d'entre elles, vous la connaissez, très courte. Le royaume des cieux, le règne de Dieu, qu'il présente, hein, le royaume de Dieu est arrivé, c'était l'évangile de Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Notre homme n'est pas juste surpris, stupéfait, impressionné, très étonné. Non, c'est un trésor. Il a trouvé un trésor. Et le texte dit, dans sa joie, il vend tout ce qu'il a pour acquérir le trésor. Est-ce que toi, tu es juste surpris en disant Marc? Ou est-ce que tu es prêt à tout laisser tomber pour acquérir le trésor quand tu vois qui est Dieu et ce qu'il a fait? C'est ce que je souhaite pour toi et pour moi dans les prochaines semaines. On va vous mettre devant les yeux Dieu, Jésus-Christ. À nous ensuite de réagir par rapport à ça. Est-ce qu'on va découvrir ce trésor? Est-ce qu'on va comprendre enfin l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu? Et cette découverte pourrait alors enflammer nos cœurs. Et alors, pas de problème, là on retournera vers Dieu. Dieu est grand, gloire à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas tout vous lire, le temps passe, il est passé. Je devrais m'arrêter. Mais quelques textes pour vous dire quelle était, à travers les évangiles, la réaction ici et là de la foule par rapport à cette présentation de Dieu, d'un grand Dieu. Je vous lis quelques versets. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu. Vous vous rappelez aussi, quand j'étais venu, petit bébé, les bergers ont vu des choses qui ont fait quoi? Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Ça, c'est la vraie réaction. Si on peut nous ensemble étudier pendant quelques semaines, Marc, on découvre l'évangile de Jésus-Christ, on redécouvre qui est Dieu, qui est Jésus, et que ça découle vers « Oh, c'est un trésor !» Et on rend gloire à Dieu par nos vies, par nos actions, par nos paroles, alors ça vaut pas la peine d'investir 10 semaines, 15 semaines, 20 semaines sur Marc. Si c'est juste de l'étonnement, si c'est juste « Oh, c'est cool, c'est intéressant, c'est étonnant », alors on n'a pas compris. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Dieu parle. Et Dieu dit, voici mon Fils bien-aimé, que j'envoie vers vous pour vous rappeler que je suis le propriétaire de la vigne, que Dieu règne, qu'il règne dans les cieux, qu'il règne sur la terre. C'est un grand Dieu. Et il veut régner dans ton cœur. Donc si ton évangile est un évangile ticket pour le paradis, tu dis voilà, j'ai ma place, c'est bon. J'ai dit oui à Jésus, j'ai prié une fois, ça va, je suis sauvé. Peut-être que tu ne connais pas l'évangile. Parce que l'évangile de Jésus, c'est l'évangile qui annonce que Dieu règne. Il règne dans le ciel, il règne sur la terre, il veut régner sur ta vie. C'est la prière de Jésus, que j'apprenais ici à prier. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre, en moi, dans ma vie, dans celle de mes voisins, de ma famille, mes amis, comme ta volonté est faite, Monsieur. Le règne de Dieu, c'est le sens, le cœur. Je vais juste vous donner un mot, et je m'arrête. La moitié de mon message sera pour dimanche prochain. Parce que j'ai deux points qui viennent. C'est même juste la parole qui introduira le prochain point. Donc, vous rappelez, le cœur de l'évangile, c'est Dieu. Premier point, le cœur de l'évangile, c'est la gloire du Père. Mais le cœur de l'évangile, c'est deuxièmement la croix de Jésus. Et troisièmement, la puissance du Saint-Esprit. Dieu règne. Il est le créateur du monde, du ciel, de la terre, de toutes les créatures qui se trouvent sur la terre. Mais Dieu sait que le monde est en état de mutinerie, de révolte, de rébellion, et que son autorité est bafouée. Il ne laissera pas cet état de fait durer longtemps. Mais pour le moment, il propose une amnistie gratuite et totale. Elle est offerte à quiconque fera demi-tour. J'en disais, faites demi-tour, repentez-vous, le terme métanoïa, faites demi-tour. Cette amnistie de Dieu est offerte à quiconque fait demi-tour sur sa vie passée, sur sa rébellion, et demande grâce à Dieu. S'engage à le suivre totalement. Cette amnistie est signée. Et Marc en parlera en long, en large et en travers. Cette amnistie est signée dans le sang de son Fils. Le cœur de l'évangile, c'est la croix de Jésus. Ça va être le dimanche prochain. On va prier. Seigneur, je suis tout petit devant cette présentation de l'évangile que je redécouvre dans le livre de Marc. Je vois Jésus puissant, autoritaire, grand, qui vient pour rappeler que tu es le propriétaire de la vigne et que tu demandes des comptes. Seigneur, je te prie, viens régner dans mon cœur, viens régner dans ma vie, que mes décisions soient empreintes de ce sentiment, tu es le maître. Et tu viens pour annoncer le règne de Dieu sur la terre. Seigneur, nous voulons fléchir le genou devant toi et te dire merci que tu acceptes de pardonner notre état de rébellion contre toi. Et tu acceptes de nous donner une amnistie totale, complète, définitive. Tu nous rends grâce. Et nous sommes tous ici, évidemment, sous le coup de cette grâce. Nous sommes des graciés. Et nous sommes très, très reconnaissants. Seigneur, installe ton règne dans nos vies, dans nos cœurs. Que vraiment chaque jour nous sentons reconnaissants un peu de la paix pour cette solution que tu as préparée en Jésus, celui qui est venu pour nous être. Merci pour ta puissance dans nos vies et ta manière de transformer nos cœurs pour nous aligner sur ta volonté. Nous remercions de nous aider cette semaine à vivre chaque jour à la lumière de ton évangile, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen.